Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une belle aventure pour nos jeunes amis. Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Sammy, petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l'amour de sa vie, la jeune Shelly. Au cours de son périple à travers les océans qu'accomplissent toutes les tortues de mer avant de retrouver la plage qui les a vues naître, Sammy n'a de cesse de faire face à tous les dangers afin de retrouver Shelly. Hier encore, Sammy nageait seul au milieu de l'océan. Mais soudain... Je m'appellerai Sammy, je suis contente de te connaître. Tout a basculé. Si ça se trouve, on est nés le même jour. On est des frères. Et sa vie de tortue sans histoire... Des frères ? Ça me plaît bien, ça. ...a explosé au vol. Il se fait des copains. Bonjour. Et là, adieu le train-train. Être un nouveau jeune et fou. Et bonjour. Ne te berce pas d'illusions, petite tortue. Les délires. Oh, boucle ta ceinture et garrot turbulence. Je veux faire quelque chose d'extraordinaire. Je veux découvrir le monde. Sammy et ses amis vont plonger. J'adorerais venir avec toi. Dans le grand bain de l'aventure. Attention. Un voyage fabuleux les attend. Shelly, où es-tu? Ou d'un océan à l'autre. Vous avez vu Shelly? Ils finiront par se retrouver. Le voyage extraordinaire de Sammy avec les voix de Danny Boone, Olivia Ruiz, Elise Moon, un DVD Studio Canal.